France Inter. Frédéric Sigrist, votre blockbuster de la semaine devrait plaire à toutes celles et ceux qui ont grandi avec le Club Dorothée. Ah, oui, cool. Leur plaire ou pas. Ah, vous savez, Mathilde, l'univers est un parent sévère. Ce qu'il donne d'une main, il le retire souvent de l'autre. C'est la terrible leçon de l'existence. Tu veux de la glace? Eh ben, finis tes brocolis. Et si la semaine prochaine, le cinéma va nous offrir ce qui sera sûrement le plus grand film d'animation de l'année, Spider-Man Across the Spider-Verse, cette semaine, dans une recherche d'équilibre cosmique, le cinéma nous a balancé Les Chevaliers du Zodiaque. Le film adapté du manga et de l'animé Saint Seiya de Masami Kurumada. Et Les Chevaliers du Zodiaque, souvenez-vous, c'était ça. Enfin Frédéric, moi j'attendais le générique français de Bernard Minet, voyons. Ah oui, je suis désolé Mathilde, passer une chanson française douteuse à 6h56, l'avocat de Thomas Croisière a été formel, c'est son truc à lui et à personne d'autre. Les Chevaliers du Zodiaque, qui, on l'oublie un peu, était le dessin animé star du Club Dorothée, devant Dragon Ball, bien avant One Piece et autres Naruto. Un dessin animé dont la violence était telle qu'elle a attiré sur lui l'œil de la censure. Il y avait des épisodes tellement coupés, ça ressemblait plus à rien. On aurait dit une circoncision faite par un rabbin atteint de la maladie de Parkinson. Oh. À la fin, les épisodes, ils faisaient 8 minutes, tu comprenais plus rien, t'avais l'impression d'avoir fait un mini-coma. Pour résumer, Saint Seiya, c'est l'histoire de Saori Kido, la réincarnation de la déesse Athéna en chanteuse de J-pop, la pop japonaise, aux cheveux violets, qui est menacée par les forces du mal, souvent des dieux de la mythologie très méchants. Et elle est protégée par des enfants soldats orphelins qu'on a envoyés tout jeunes s'entraîner dans des camps. Oui, c'est un peu le djihad du Zodiac. Afin qu'ils apprennent à maîtriser leur cosmos, ce qui leur permet d'avoir des super pouvoirs et une jolie armure qui permettait d'avoir de très jolies figurines produits dérivés qui coûtaient le 13e mois de tes parents à l'époque. C'est vrai ça. Le dessin animé était culte parce qu'il était porté par la patte graphique de Shingo Araki et Michi Himeno qui avaient déjà œuvré sur Goldorak, Ulysse 31 et Lady Oscar. Mais aussi par la musique absolument fantastique de Seiji Yokoyama. Une musique qui faisait la part belle à la harpe, aux envolées lyriques, soudainement interrompues par des riffs de guitare électrique ou des chants de cantatrice. Même si le dessin animé était hardcore pour les enfants que nous étions, des vertus telles que l'héroïsme, l'amitié, le sacrifice et le dépassement de soi, c'était un peu l'Iliade à l'heure du goûter. Donc si je comprends bien, le film ne rend pas justice à ce dessin animé. Eh ben c'est simple, toute l'élégance et le lyrisme dont je parle, vous le prenez. Vous le mettez en boule et vous le mettez dans un endroit qui voit jamais le soleil. Ce film est à Saint Seiya ce que le livre de Bruno Le Maire est à la littérature érotique. C'est d'une laideur sans nom. Les effets spéciaux, t'as l'impression qu'ils ont été mangés par quelqu'un et recrachés. On n'est pas encore au niveau de Dragon Ball Evolution, mais pas loin. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Dans le film, on retrouve aussi les pauvres Sean Bean et Famke Johnson. Sean Bean, c'est Boromir dans Le Seigneur des Anneaux et Ned Stark dans Game of Thrones. Famke Johnson, c'est Jean Grey dans X-Men. Et ensemble, c'était le duo de méchants cultes de GoldenEye, James Bond, avec la bande originale de Tina Turner. Étonnamment, elle est morte le jour de la sortie des Chevaliers du Zodiaque. Hasard ou coïncidence? Je ne crois pas. Alors je sais, le lien est un peu tiré par les cheveux. M'en fous, moi j'en ai plus. Mais bref, au lieu d'aller voir cette bouse, revoyez le dessin animé splendide ou réécoutez Tina Turner. Presque oublié ce que je dis. Voilà.